Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Notre MRC possède un des plus importants parterres forestiers du Québec. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, l'avenir de la forêt repose sur son usage multi-ressources. La forêt, c'est notre richesse. À nous de la protéger. Pas amplement question, évidemment, de ce moment majeur pour Dolbeau-Mistassini hier. Shane Gauthier, qui est devenu le premier joueur de football de Dolbeau-Mistassini à être repêché par une équipe des Canadiennes. Il a été repêché en quatrième ronde hier par les Blue Bombers de Winnipeg. Et on va faire plusieurs entrevues aujourd'hui là-dessus. Et une d'entre elles, ben, je voulais parler avec le premier entraîneur de Shane Gauthier au niveau du football. C'est Richard Belleau. Lorsque Shane Gauthier a fait ses tout premiers pas au football, ben, qui l'avait accueilli? C'est Richard Belleau. Et on lui parle. Salut, Richard. Richard, c'était à l'époque des Patriotes de Dolbeau-Mistassini, hein? OK. Si tu te rappelles bien, d'abord, j'imagine que t'es comme tout le monde, très fier de Shane Gauthier. Oui, c'est très fier, puis c'est un petit gars qui le mérite. OK. Est-ce que, rappelle-toi de ses premiers pas avec les Patriotes de Dolbeau-Mistassini. D'abord, est-ce que tu pensais que Shane Gauthier allait être rendu aussi loin? Quand il est arrivé dans les Patriotes, Shane avait l'âge de 14 ans. À 14 ans, dans la ligue de printemps où qu'on jouait, c'est une ligue 15-18, et il n'avait même pas le droit de jouer à sa première saison. Cependant, Shane n'a raté aucune pratique. Il était là à toutes les pratiques, venait pratiquer avec ses coéquipiers lors des parties, il s'occupait d'apporter l'eau, il nous aidait à faire le terrain. Ne jamais rouspéter disant hey, je pratique puis je joue pas, puis il aurait pu abandonner ou bien de devenir sporadiquement. Non, Shane était là à toutes les pratiques. Avait quand même une bonne grandeur, un bon physique, courait rapidement quand il est arrivé. Mais il y avait un attrait majeur que personne ne connaît, que nous au début on avait remarqué. Shane avait un bon bras. On l'avait nous regardé pour être un peu arrière. Pour un jeune, courir très rapidement, être capable de lancer au début le ballon à 50-60 verges, c'était assez exceptionnel à cet âge-là. Puis, nous, on l'avait au début, ben, en plus, ben, les corps arrière, durant les pratiques, n'ont pas beaucoup de contact. Comme on n'avait pas le droit de se faire de contact parce qu'il n'y avait pas l'âge, une question d'assurance, ben, ça nous aide. Nous allons le développer comme corps arrière pour 4-5 ans. Pour okay. C'est lorsqu'il est allé en Beauce à l'automne pour jouer au football cadet qu'eux l'ont converti comme joueur défensif, comme secondaire. Ouais. Mais Shane, quand il est revenu avec nous, a joué comme secondeur, a joué comme porteur de ballon, a joué comme retourneur. Il a tout fait là, sur le terrain, sauf jouer comme corps. OK. Évidemment, tu en as vu passer plusieurs des athlètes à l'époque. On n'a qu'à penser à Shane Gauthier, évidemment, mais il y a plusieurs athlètes qu'on connaît. Là, que moi, le nom qui me vient, c'est Alexandre Labbé, qui avait un potentiel fou, semble-t-il, qui lui aussi aurait pu jouer dans les Canadiens, mais c'est des études qui l'ont bloqué. Mais tu pensais-tu à l'époque que Shane allait aller aussi loin? Quand il est revenu de la Beauce à sa première saison avec nous, j'ai tout de suite détecté un talent là, assez incroyable. Là. Plus qu'il montait, plus qu'on voyait qu'il devenait dominant sur un terrain. Et quand un joueur joue avec des jeunes de son âge, comme dans la Ligue de printemps, et que le jeune est capable là, de faire tout sur un terrain, qu'il avait une vision incroyable, oui, à ce moment-là, je pouvais dire qu'il avait des chances d'aspirer. J'ai même cru à un moment donné que la NFL pourrait être NFL. Là, quand ça a été le temps de choisir les Condors au niveau du collégial 3A, je sais que s'il avait décidé d'aller du côté des États-Unis, probablement qu'il aurait peut-être pu avoir des chances plus haut. Même OK. Richard, moi, ce qui m'a marqué hier, c'était la première fois que je le vois, Shane. Ça fait 2-3 ans qu'on se parle au téléphone, qu'on fait des entrevues, mais c'était la première fois hier que je le voyais en personne. Il a pas l'air d'un joueur de football. Il a l'air d'une personne bien normale, là. À quelque part, est-ce que c'est une nuit? Parce qu'il y a la quatrième ronde par les Bombers de Winnipeg. Bon, on me dit que c'est un joueur extrêmement dominant avec le Rouge et Or cette année. Est-ce que tu penses, selon toi, là, que sa grosseur a pu en faire en sorte qu'il est sorti plus tard? Non, pas du tout. Okay. Ce qui a fait en sorte de, quand on regarde comme il faut le repêchage de la Ligue canadienne, on voit que du côté des ligues, des 6 des 10 premiers choix ont été des joueurs de ligne offensive. Ouais. Après ça, il y a eu beaucoup de joueurs de ligne défensive qui ont été choisis au niveau canadien. La structure du football canadien, avec un nombre de Canadiens qui doivent être partants versus les Américains ou des étrangers, fait en sorte que certaines positions jouées par des Canadiens sont moins détectables pour être repêchées là, dans les premières rondes. OK. Moi, je peux dire que les Blue Bombers, je me croisais les doigts pour que les Alouettes le repêchent. Ça a passé proche. Les Blue Bombers qui l'ont repêché. Probablement que je vais changer les prochaines années, si Shane joue pour Winnipeg, probablement je vais être un partisan. Ben oui. Mais Richard, à quelque part, tu as été président de la Ligue de football du Saguenay-Lac-Saint-Jean pendant longtemps. Maintenant, cette ligue-là n'existe plus. On en a parlé lorsque cette ligue-là a cessé ses activités. Mais ça te fait-tu plaisir quand même là, que tu vois qu'un Shane Gauthier atteint la Ligue aussi, la Ligue canadienne de football, puis c'est un produit, tout d'abord, de la Ligue du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Ligue de football du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça prouve que quelque part, tu peux réussir même en région, quelque part. Oui, tu prouves que tu peux réussir en région. C'est sûr que je regarde ce qui se passe présentement au football dans la région. C'est un petit peu au niveau du nombre de joueurs qui pratiquent, c'est beaucoup moins qu'avant. Il y a beaucoup. Je ne sais pas si c'est une raison démographique, une baisse que les jeunes d'intérêt envers le football. Mais quand tu regardes ce que Shane vient d'accomplir, mais ça va peut-être donner un coup de pouce en ayant une vedette. Tu sais, on va faire appeler ça une vedette. Ça va peut-être devenir une vedette que les jeunes vont pouvoir dire « Moi, je veux faire comme Shane. Moi, je veux jouer au football. » Et ça va peut-être donner un regain d'énergie au football à Dolbeau. Ben oui, parce qu'on a vu quand même il y a quand même de bons joueurs qui s'en vont au niveau collégial. Je pense à Alexandre Voisine. Il y a William Saint-Pierre également qui prend et Philippe Lavoie qui prennent le chemin de Québec. Donc certainement que ça peut être un modèle pour Shane Gauthier peut être un modèle pour ces jeunes. Penses-tu que ça peut revenir un jour, la Ligue de football civil? Ou vraiment au niveau scolaire, quelque part, je pense qu'on y va au niveau scolaire maintenant? Ça va être au niveau scolaire civil, là. C'est rendu très difficile. Okay. Puis je vais revenir à ce que tu disais avant. Shane doit être considéré comme un modèle, parce que Shane est quelqu'un qui s'entraîne, qui est assidu, aussi bien à l'école que sur le terrain. C'est facile à coacher. Puis tu sais que quand il va embarquer, tu vas avoir son 100%. Ça, c'est... Puis en plus, dans toute cette sphère-là, il y a un petit côté que des fois, on va passer sous silence. L'encouragement qu'il a eu envers sa famille, sa mère, son père, son frère, c'était incroyable. Ce petit gars-là a été soutenu, ses parents l'ont suivi toute sa carrière, sont allés le voir. Ils n'ont jamais raté une partie de nos parties à nous. Quand il est allé collégial, il faisait la Beauce, Dolbeau, il faisait presque à toutes les semaines. Ça, pour aider un jeune aussi qui a du talent, on n'enlève rien à Shane, mais quand tu as des parents ou tu as un soutien en arrière de toi qui t'encourage, ben tu veux encore en donner plus, puis c'est de la façon que Shane hier que j'ai vu, il a remercié ses parents en disant « Gars, je suis repêché. » Une partie revient à ses parents. Ben oui, effectivement, regarde, c'est ben oui, et ça, regarde, on a vécu avec la médaille d'or avec Marianne Saint-Gelais, la médaille d'argent de Marianne Saint-Gelais aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010, puis lorsqu'elle a été fêtée à Saint-Félicien, ses parents, je peux dire qu'elle a vraiment remercié ses parents. Puis je pense que quelque part, c'est la même chose pour Shane. Richard, en terminant, le meilleur souvenir que tu as de Shane au niveau de ton équipe avec les Patriots, c'était quoi? Y a-t-il un moment où que l'équipe a gagné et que Shane a été un joueur dominant pour cette équipe-là? L'année qu'on a gagné la Coupe au jeu sur notre terrain, qu'on a gagné 35-1 contre le 21 de l'année, où qu'on a vu une domination de notre défensive menée par Shane, il n'était pas tout seul, il avait ses coéquipiers parce qu'au football, tout seul, on ne peut rien faire. Mais de la façon que cette équipe-là avait joué cette partie-là, j'étais plus comme entraîneur, j'étais gouverneur et j'étais annonceur et je devais être impartial. Et j'avais beaucoup de tellement que je voyais une domination de mon équipe. C'était vraiment beau à voir. Ça, c'est un fait marquant. Beau soleil sur le terrain à Dolbeau, une domination magistrale de notre défensive menée par notre capitaine Shane Gauthier. Ben bravo, puis j'invite les gens, d'ailleurs, si vous n'avez pas eu la chance quand on dit qu'une photo vaut 1000 mots, allez voir la photo de Dave Hensley puis de Jimmy Desbiens du Journal Le Quotidien qui a été pris hier au Spectrum de Dolbeau, Mississippi. Ça en dit très long sur ce qui s'est passé hier au Spectrum, puis la joie qu'il y avait hier lorsque Shane Gauthier a reçu l'appel des Bombers de Winnipeg. Ben, Richard Belleau, un gros merci, puis on se reparle peut-être dans une autre occasion. Voilà le premier entraîneur de Shane Gauthier à l'époque du football des Patriots de Dolbeau, Richard Belleau.